Oracle. Dieu a parlé dans le passé à travers les prophètes. Aujourd'hui encore, il continue à parler à travers ses serviteurs qu'il a oints. Écoutez les oracles du Seigneur. Le pasteur et les priorités, c'est le thème de l'enseignement que nous apporte Dr Paul Mbunga Mpendi de la mission Afrique pour Christ. Dieu bénisse votre écoute. Chers bien-aimés, vous êtes à l'écoute de Mission Afrique pour Christ, une mission évangélique animée par le révérend Dr Paul Mbunga Mpendi. Suivez dans la grâce de Dieu. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur le pasteur et les difficultés dans sa vie familiale. Et nous avions commencé à parler de comment le pasteur doit avoir le temps pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. Et comment l'Église, en tant que corps de Christ, doit aider le pasteur à avoir une bonne famille. Mais attention, le pasteur, bien qu'il puisse recevoir l'aide de l'Église ou d'autres personnes, le pasteur est responsable de la vie spirituelle de sa famille. Et nous avions commencé à parler sur le fait que le pasteur doit travailler à amener les membres de sa famille à connaître le Christ et encore à approfondir leur foi dans le Christ. Et nous avions dit que la meilleure façon d'apporter de présenter le Christ à sa famille, c'est de ne jamais forcer la religion chrétienne sur les enfants. Ça, c'est clair. Le pasteur qui force leur légalisme sur les enfants, les détruisent et les ferment à l'évangile. Nous avions dit que la meilleure méthode d'évangélisation dans le contexte de la famille, ce n'est pas la présentation de la religion chrétienne. C'est plutôt la présentation de l'évangile dans la vie du pasteur. Il faut que la vie du serviteur de Dieu témoigne de Jésus-Christ de façon à ce que le membre de la famille puisse effectivement voir la puissance de Dieu dont parle le Père ou le pasteur. Mais vivre l'Évangile dans le quotidien de la famille ne signifie pas que le pasteur doit vivre une vie sans faille. Ça, ce n'est pas possible. Tous les humains sont faillibles. Vivre l'Évangile dans la vie familiale signifie que le pasteur doit témoigner par les actes de la vie du renoncement et de la soumission de sa vie à la volonté de Dieu. Le renoncement et la soumission du pasteur dans sa vie quotidienne se fait voir dans sa façon de penser, de parler et d'agir. Un pasteur qui pense qu'il est le chef absolu de sa famille et par conséquent a toujours raison, vit dans l'illusion. Un pasteur qui passe son temps à médire des autres, devant sa femme et ses enfants. Un pasteur qui grogne et gronde à tout moment. Un pasteur qui insulte sa femme et ses enfants. Un pasteur qui est violent et frappe sa femme. Un pasteur qui corrige ses enfants avec brutalité. Un pasteur qui ne s'inquiète pas du bien-être physique, psychologique et matériel de sa famille est un obstacle majeur pour la conversion et l'affermissement de la foi des membres de sa famille. Oui, le pasteur n'est pas un saint ni un ange. Oui, le pasteur est humain, mais son humanité, à cause de l'excellence de Jésus-Christ qu'il prêche si abondamment, doit être transformée à l'image du Christ qu'il prêche. Le pasteur doit lui-même être né de nouveau et totalement consacré au Seigneur. Sa nouvelle naissance, sa totale consécration au Seigneur sont les témoignages vivants de la puissance salvatrice de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui le cherchent encore et dans la vie des membres de sa famille. Le pasteur qui veut donc travailler à la conversion de sa famille doit donc laisser le Saint-Esprit transformer son tempérament. Il doit, comme l'indique l'apôtre Paul, devenir toujours et davantage irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. 1 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 7. Encore dans sa lettre à Tite, l'apôtre Paul affirme que le pasteur doit être un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni indiscipliné. Il faut en effet que l'évêque, c'est-à-dire le pasteur, soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Les deux passages bibliques cités donnent les habitudes morales et spirituelles que le pasteur doit avoir ou au contraire ne doit pas avoir. L'apôtre donne la liste de 18 vertus que le pasteur fidèle doit avoir et des 6 vices ou au contraire fautes qu'il doit éviter. Passons donc en revue les différentes vertus et vices mentionnés par l'apôtre et voyons comment elles influencent le ministère et la vie familiale du serviteur de Dieu. La liste de vertus que le pasteur doit avoir commence par la mention du fait que le pasteur doit être irréprochable. Le grec, le mot grec utilisé, à savoir anepileptos, a le sens premier de être moralement insaisissable, c'est-à-dire être au-dessus de toute reproche. Les ennemis peuvent passer la vie de ces derniers en examen, mais ne peuvent rien trouver qui puisse remettre en cause l'intégrité de la personne. Toutefois, être irréprochable ne signifie pas être moralement ou spirituellement parfait. La perfection est une réalité qui est au-delà des possibilités humaines. Mais dans la vie pratique, une personne irréprochable est celle qui n'a pas une faute ou un péché visible criant. La personne irréprochable, je voulais dire, est celle qui a appris à vivre d'une manière équilibrée. Alors, comment dans la vie pratique, le caractère irréprochable du serviteur de Dieu se manifeste-t-il? L'apôtre Paul donne la liste des vertus qui témoignent qu'un serviteur de Dieu mène une vie irréprochable. Un serviteur de Dieu irréprochable, dit l'apôtre Paul, est avant tout mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme ne signifie pas que le pasteur doit obligatoirement être marié. Non, il y a des pasteurs célibataires. L'apôtre Paul lui-même, le pasteur par excellence, si vous voulez qu'on le dise, n'était pas marié. Mais mari d'une seule femme signifie que le pasteur marié doit demeurer fidèle à sa seule et unique femme. Donc, il faut même pas qu'on parle de polygamie dans la vie du pasteur. Le pasteur ne peut en aucun cas flirter ou avoir des relations amoureuses avec une autre femme que son épouse. L'ordre de l'apôtre oblige le serviteur de Dieu à s'éloigner de l'immoralité et des faiblesses sexuelles. Il n'est pas de péché plus destructeur pour la vie du serviteur de Dieu et pour la vie des membres de sa famille qu'est l'immoralité. Les enfants, la femme, doivent vivre cette immoralité, essayer même de cacher, de la cacher aux autres, par crainte de détruire le ministère de son mari ou de leur père et par conséquent mettre en danger leur propre sécurité financière. Souvent, la femme et les enfants du pasteur cachent la vie immorale de leur père et deviennent ainsi coupables de complicité dans le péché de leur père. Comment un pasteur immoral peut-il espérer amener ses enfants à Jésus-Christ, lui, hein, qui doit être l'exemple de l'obéissance, en fait, et l'exemple parfait de désobéissance quand il commet de telles fautes. Vous savez, toutes les fautes sont graves. Mais en tout cas, l'immoralité, le désordre sexuel dans la vie du pasteur, c'est quelque chose, je ne sais même pas comment on le dit, d'inacceptable. C'est zéro tolérance, comme on le dit. Hein, le pasteur ne peut jamais faire de telles choses. Mais c'est grave, mes amis. C'est grave. Parce que aujourd'hui, les pasteurs sont des gens qui ne montrent plus la profondeur de la vie de Jésus-Christ. Ça m'attriste. Hein? Nous sommes des gens. C'est vrai, nous sommes comme les autres. Mais nous sommes spéciaux, vous savez. Nous sommes des personnes spéciales. Parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a confié la vocation. Nous devons vivre d'une manière qui donne gloire à Dieu. Mais pensez à la femme du pasteur. Hein? Quand le pasteur lui-même trompe sa femme, que voulez-vous que cette femme la fasse? Quand les enfants savent que papa, en fait, est infidèle à maman. Et puis, c'est le même pasteur qui a le courage d'obliger ses enfants à aller à l'église, d'obliger ses enfants à méditer la parole de Dieu, d'obliger ses enfants à prier, de les réveiller à 3 heures du matin, de les obliger à veiller, de les obliger à jeûner. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi forcer la religion aux enfants, quand toi-même, tu n'obéis même pas à cette religion. Pasteur, mes amis, mes frères, pasteurs, soyons sérieux. Ne faisons pas de bêtises. Vous savez, les fautes des autres, comme on le dit, tout le monde pêche, ça c'est vrai. Mais nos fautes sont toujours magnifiées, sont toujours graves. Parce que le monde ne peut pas accepter que celui qui parle de Dieu puisse vivre contre Dieu. Le pasteur doit être marié d'une seule femme, c'est-à-dire il doit être fidèle à sa femme. Et c'est ça qui va montrer aux enfants que papa aime le Christ dont il parle tous les jours. Et cela va les aider. L'enseignement que nous faisons sur la nécessité du père, des parents, d'être à la maison pour la meilleure éclosion des membres de leur famille peut être contredit par des millions d'épouses et d'enfants, de pasteurs qui préfèrent, au contraire, que ces derniers soient absents de la maison. Le type de pasteur que nous avions mentionné précédemment, celui qui joue le policier vis-à-vis de sa famille, celui qui emmène ses enfants dans la prière, la lecture et la participation au culte sous menace et coups de chicotte, ne peut apporter l'équilibre à sa famille, même s'il s'engage à rester à la maison. Les enfants préfèrent d'ailleurs ces absences, les absences d'un tel pasteur, d'un tel parent, d'un tel papa. Soyons curieux, chers pasteurs. Vérifions les sobriquets que nos propres femmes ou nos enfants nous donnent. Ces sobriquets caractérisent la façon dont nous les traitons et la façon dont ils nous perçoivent. Certains pères, pasteurs ou pas, sont appelés Django, Colon, Main de fer, Bois sans fin, Tonnerre, Shérif, Geôlier, Croque-mort, Fossoyeur, Terminator, etc. Les mères aussi reçoivent des sobriquets. Elles sont parfois appelées Cocorico, Trompette, Haut-parleur, Langue de feu, Gardienne des prisons, Judas féminin, etc. Quel est le sobriquet par lequel nos enfants nous appellent? La vie de famille oblige que les parents apprennent à équilibrer la manifestation de l'amour et la rigueur pour à la fois conforter la personnalité de leurs enfants et enlever en eux tout ce qui peut nuire à leur propre vie ou à la vie de la famille. Les femmes et les enfants, nous disions, ne sont pas des anges. Ils ont, comme tous les êtres humains, leurs vertus et leurs vices. Il est de la responsabilité du père avant tout et de la mère ensuite de veiller au développement harmonieux de chaque membre de la famille. Pour que les enfants se développent harmonieusement, il faut que le parent passe tout leur temps à les cajoler. Il ne faut pas que le parent passe tout leur temps à les cajoler, à leur démontrer leur amour et approbation. quand les enfants ont commis et sont en train de commettre le mal, il faut que les parents sévissent. Le mal doit être découragé et, si nécessaire, puni. Décourager le mal signifie parler à l'enfant chaque fois qu'il s'est méconduit. Il faut parler et parler sans cesse, même si l'on a l'impression que l'enfant est trop jeune et ne comprend pas. Il faut toujours enseigner à l'enfant le droit chemin, même quand il est encore trop jeune. Il ne manquera pas de s'en souvenir quand il sera grand. Décourager le mal dans la vie de l'enfant signifie donc le conseiller en utilisant tous les moyens de persuasion morale possible. Il faut conseiller, exhorter, encourager par des cadeaux, etc. Mais décourager le mal dans la vie de la famille signifie aussi la correction physique. Le monde démocratique et moralement relâché actuel célèbre le droit de l'homme et considère inacceptable la correction physique des jeunes enfants. Mais la Bible, au contraire, affirme « Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Proverbe chapitre 13, verset 24. Alors, quand et comment corriger les enfants physiquement? La correction physique doit être le moyen de dernier recours dans l'éducation des jeunes enfants. Nous insistons sur l'expression « jeunes enfants » parce qu'il est malsain de corriger physiquement des jeunes qui ont atteint l'âge de la maturité. Avec les enfants matures, il faut raisonner, essayer de convaincre et en cas de refus continu, il faut priver l'enfant de certains privilèges. Mais jamais corriger un enfant qui est déjà adulte physiquement, car il peut se révolter et se venger. Et il est abominable qu'un père ou sa mère ou une mère se batte avec son fils. Ça, c'est inacceptable. Donc, il ne faut pas provoquer de telles situations. Les jeunes enfants, eux, doivent être punis physiquement, mais seulement quand ils refusent d'obéir après tout le conseil et montrent une obstination à contredire les ordres des parents. Mais la correction physique doit être rare. Il faut que chaque famille construise un système préventif qui signale aux enfants le seuil de tolérance des parents avant que ces derniers en arrivent au châtiment physique. Mais là aussi, il faut insister. Je ne donne pas, je n'encourage pas les parents qui cherchent à tuer leurs enfants. Ça, ce n'est pas vrai. La Bible ne nous demande pas de devenir des bourreaux de nos enfants. Jamais. Alors là, il faut se demander comment faut-il punir les enfants physiquement. Ceux qui refusent la punition corporelle de l'enfant insistent, et avec raison, que la plupart des parents ne parviennent pas à se contrôler quand ils sont en colère et abusent leurs enfants physiquement. En effet, la punition physique est un moyen d'éducation important, mais difficile à gérer. Souvent, les parents corrigent leurs enfants physiquement parce qu'ils sont excédés par le comportement de ces derniers. Mais comment punir physiquement un enfant encore fragile, sans mettre sa vie en danger? Ici, il faut obliger tous les parents qui ne peuvent pas se maîtriser quand ils corrigent leurs enfants physiquement de bannir purement et simplement la punition corporelle des moyens d'éducation qu'ils utilisent. Il faut absolument éviter que la punition physique ne mette la vie de l'enfant en danger ou ne laisse en lui des traces physiques ou psychologiques malheureuses. Ou encore malheureux, ou malheureux si on veut, c'est une trace. En suivant la Bible, les parents sages et qui ont la maîtrise de leurs nerfs apprendront à utiliser un bâton, plutôt un fouet simple, peut-être la main, pour frapper deux endroits précis du corps de l'enfant présentant moins de risques, à savoir les fesses et les mollets. Frapper fort, mais jamais trop fort, ni moins fort, au point de laisser l'enfant indifférent. Il faut que la punition physique fasse mal pour qu'elle crée la peur nécessaire pour provoquer le changement voulu. Mais attention, il ne faut jamais taper trop fort un enfant de peur de lui causer quelques torts physiques difficiles à réparer. Mais à la rigueur, vis-à-vis au mal, les parents, surtout le père, doivent démontrer l'amour, la sollicitude à ses enfants. Il faut que l'arrivée de papa à la maison soit le temps de prédilection pour les enfants. Il faut que les enfants aiment, les enfants chérissent l'arrivée de papa. Il faut que quand papa arrive, que tout le monde se précipite vers lui pour raconter ses histoires. Que tout le monde cherche à gagner, à attirer l'attention de papa. Papa doit être la force tranquille de la maison. C'est lui qui porte ses enfants, qui caresse leurs cheveux, qui leur fait des regards tendres, qui les porte au lit quand ils somnolent. Papa doit être papa et non pas Django ou shérif ou encore croque-mort. Alors, combien de pasteurs sont-ils de vrais papas pour leurs enfants? Quand il leur arrive de rester à la maison, plusieurs pasteurs passent leur temps à épier leurs enfants, à surveiller leurs moindres mouvements pour les blâmer et qui se considèrent comme des policiers qui sont là pour vérifier la moralité de leurs enfants. Jamais de leur bouche ne sortent des paroles d'encouragement. Toujours moralisateurs, ils ont toujours une parole négative pour dire que celui qui travaille ne travaille pas assez et celui qui ne travaille pas est d'avance voué à la perdition. Qui peut jouir de la compagnie d'une personne tatillonne? Encourager le pasteur à donner du temps à leur famille, c'est aussi les encourager à devenir positifs, tolérants, bons vis-à-vis de leurs enfants. D'être aimant mais strict. Quand il s'agit de décourager le mal, il faut que le pasteur, le chef de la famille, puisse jouir de sa présence à la maison lui-même et puis que ses enfants jouissent de la présence de papa à la maison. Oui, il faut que les enfants voient dans le pasteur, non pas l'homme religieux, le légaliste qui le menace d'en faire chaque fois qu'il ne manifeste pas assez d'enthousiasme pour le christianisme, mais plutôt que les enfants voient le serviteur de Jésus-Christ, prêt à le servir et à servir la famille. Que le Seigneur nous aide à être des papas, des pasteurs papas responsables. Comment amener effectivement les membres de sa famille à Christ? C'est-à-dire comment est-ce que le pasteur peut amener ses enfants, pas sa femme, parce que je me dis que le pasteur, tout pasteur, ne peut être marié qu'à une chrétienne. Ça, je me dis que c'est vraiment anormal qu'un pasteur épouse une femme qui ne connaît pas le Christ. Mais surtout, bon, c'est possible, ça arrive. Mais comment est-ce que le pasteur peut amener ses enfants ou bien les membres de sa famille à connaître le Christ et encore à approfondir leur foi dans le Christ? Nous avions parlé des difficultés que le pasteur rencontre dans sa vie familiale. Nous avions dit qu'il faut que le pasteur donne assez de temps à sa famille, il faut qu'il puisse essayer de partager ses responsabilités de manière à ce qu'il puisse avoir finalement du temps à donner à sa famille. Et nous avions dit qu'il faut que le pasteur, quand il reste en famille, soit quelqu'un que sa famille va vraiment aimer, au lieu d'être quelqu'un qui gêne parce qu'il est toujours là à critiquer, à punir, à dire des choses toujours négatives. Nous avions dit que le pasteur doit être positif, il doit encourager ses enfants, il doit être là, à les aimer, à leur faire voir la profondeur de l'amour de Jésus-Christ. Nous avions dit à l'église, la paroisse, qu'il ne faut pas qu'elle devienne, la paroisse devienne un obstacle à la vie familiale du pasteur. Il faut que les femmes de la paroisse, les autres membres de la paroisse, encourage la famille du pasteur. Et nous avions dit que s'il y a un problème, il faut que la famille du pasteur soit traitée comme n'importe quelle autre famille. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, parce qu'eux sont de la famille du pasteur, il faut les punir plus que les autres. Non. Et ça, c'est très important. Nous avions dit qu'il faut que l'église, la paroisse ou bien le ministère contribue à la stabilisation de la famille du pasteur. Mais la responsabilité du salut ou de l'affermissement de la famille du pasteur revient premièrement au pasteur, pas à l'église comme telle. L'église va bien sûr contribuer, mais le pasteur est le seul responsable pour amener ses enfants au Seigneur et encore pour approfondir leur vie spirituelle. Vous allez dire, mais pasteur, vous êtes trop strict. On peut embaucher des aumôniers pour les enfants, mais comment? Comment toi, qui as le temps d'aller prêcher aux enfants des autres, tu n'as pas le temps pour prêcher à tes propres enfants? Ce n'est pas possible. Tu es l'aumônier de tes enfants. Il ne faut pas aller chercher des aumôniers pour tes enfants. Où est-ce que tu es toi-même? Un des défis les plus difficiles à relever dans la vie du serviteur de Dieu est la conversion et l'affermissement de la foi des membres de sa famille. Il est vrai que la conversion d'aucune âme ne relève de la responsabilité du serviteur de Dieu. Dieu seul transforme les cœurs de ceux qu'il attire à lui. Mais comme nous l'avions indiqué précédemment, le pasteur lui-même peut, sans le vouloir, devenir un obstacle à la vie spirituelle de sa famille. L'être humain est de nature porté vers la liberté d'être, la liberté de décider et la liberté de choisir ce qui convient plutôt à son bonheur. La liberté de l'homme est la base du péché originel dans lequel étaient tombés nos premiers parents et dans lequel d'ailleurs nous vivons. La liberté est aussi la cause du rejet de la foi chrétienne et de l'Église par les membres des familles ou de la famille du pasteur. Parce que c'est souvent les pasteurs forcent et obligent leurs enfants à accepter la foi chrétienne parce qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de les aider à devenir chrétiens. Pourquoi obliger toute sa famille à se réveiller tôt le matin à 4h ou 5h pour méditer la parole de Dieu et prier? Mais pourquoi obliger? Je dis bien, ce n'est pas mauvais de le faire. Je ne suis pas contre ceux qui prient à ces heures-là. Mais je suis contre ceux qui obligent tout le monde, bébé y compris. Pourquoi obliger tout le monde? J'insiste sur le verbe obliger. Pourquoi obliger sa femme et ses enfants à mémoriser des versets bibliques? Pourquoi? Oh, mais c'est bon, c'est joli de les encourager à connaître la Bible, à mémoriser les textes. Tout ça, c'est bien. Ça n'a rien de mauvais. Mais pourquoi alors obliger? Voyez le verbe. Quand on oblige, alors on perd. Parce que l'homme est libre. Pourquoi obliger sa famille à pratiquer la charité? Pourquoi obliger ses enfants à aller à l'école du dimanche, à participer au culte, avant qu'ils ne puissent avoir droit au petit déjeuner? Il y a des parents qui obligent leurs enfants à aller à l'école du dimanche. S'ils ne vont pas, ils ne vont pas manger. Mais ce n'est pas possible. Travailler à amener sa famille à recevoir le Christ comme sauveur et Seigneur oblige le pasteur à renoncer à toute approche qui impose la foi chrétienne. J'insiste, il ne faut pas imposer la foi chrétienne sur la femme et les enfants. Ça, c'est le meilleur moyen pour les éloigner du Christ. Travailler à amener sa famille au Christ signifie apprendre à présenter la bonne nouvelle du pardon divin et laisser la grâce de Dieu accomplir son œuvre de persuasion sur la volonté de la personne sollicitée. Le pasteur qui veut amener ses enfants à Jésus-Christ doit s'engager avant tout à vivre l'évangile de Jésus-Christ dans sa propre vie et dans sa vie de tous les jours avant de présenter cet évangile à ces derniers. Il n'est de meilleure méthode d'évangélisation dans le contexte familial que l'évangélisation par le témoignage. Le pasteur qui ne vive pas ce qu'il prêche sont les premiers obstacles à la conversion de leurs enfants. Et ça, on ne peut le dire assez. Il ne suffit pas de pousser les enfants vers la religion chrétienne. Il faut que les enfants voient dans le père, dans le pasteur, l'homme de Dieu qu'il affirme être. Pourquoi pousser les enfants à se réveiller à 4h du matin ou à 5h ou à minuit, je ne sais pas quoi, pour faire la méditation, pour lire la Bible, quand on est soi-même désobéissant? Pourquoi pousser les enfants à aller à l'église? Pourquoi les menacer? Pourquoi imposer la foi sur eux quand toi-même, tu n'es même pas le modèle de cette même foi que tu cherches à imposer? Chers amis, chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, nous devons revoir notre façon d'être pasteur, d'être chrétien. Nous sommes vraiment un problème pour nos familles, pour nos enfants. Je ne cesserai de dire, tout le monde critique les enfants des pasteurs. Oh, ce sont les enfants les plus désobéissants. C'est une chanson commune. Tout le monde le dit. Et puis, nous le savons. Mais nous ne nous remettons pas en cause pour savoir mais pourquoi est-ce que nos enfants sont comme ça. Tout le monde se plaint. Les pasteurs passent son temps à baptiser les enfants des autres, mais ses propres enfants ne sont jamais baptisés. Mais pourquoi? Mais la réponse est simple. Les enfants des pasteurs refusent l'église parce que le pasteur force l'église à travers leur gorge. Il faut, depuis leur naissance, que les enfants soient chrétiens d'office. Les pasteurs obligent les enfants à devenir religieux sans être convertis. Mais nous avons dit que la meilleure évangélisation dans le contexte de la famille, ce n'est pas l'évangélisation verbale, là où on prend la Bible et puis on commence à gronder sur les enfants. Dieu a dit ceci, vous ne faites pas cela, vous irez en enfer. Non, mais ce n'est pas ça. La meilleure évangélisation, c'est l'évangélisation de la vie du pasteur lui-même. Quand les enfants voient leur père, ils voient la sainteté de Dieu. Quand les enfants voient leur mère, parce qu'il ne faut pas que la mère reste à la traîne, il faut que la mère aussi soit la compagne de vie du pasteur. Il faut qu'elle aussi fasse voir aux enfants que oui, papa et maman vivent effectivement ce qu'ils disent ou ce qu'ils prêchent. Et mais le père, surtout le pasteur. Voyez, il y a beaucoup de choses dans notre travail pastoral, mes amis pasteurs, nous autres. Nous avons vraiment une très grande responsabilité. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous cacher, frère. Tout est là devant nous. Nous devons être témoins de Jésus-Christ 24 heures sur 24. Vous voyez, au lieu d'être esclaves du ministère 24 heures sur 24, nous devons plutôt être témoins de Jésus-Christ 24 heures sur 24. Il faut que ceux qui nous approchent sentent le Christ en nous à tout moment. Non pas seulement sentent, mais vivent le Christ en nous. Il faut qu'ils voient dans notre façon de parler, dans notre façon de raisonner, dans notre façon de réagir. Il faut que les gens voient le Christ. Et quand les gens voient le Christ, alors le Christ qui va sortir de notre bouche ne va que compléter le Christ qui sort de notre comportement. Alors les enfants qui ont la scène de Jésus-Christ devant eux, chaque jour et à chaque instant, n'auront pas beaucoup de difficultés à venir au Christ. Mais là encore, j'insiste, chers amis, réfléchissons sur comment faire pour que nous, pasteurs, nous ne puissions pas être obstacle au développement spirituel des membres de notre famille. Et la fois prochaine, je vais donc essayer d'expliquer ce que signifie vivre l'évangile dans la famille. Comment est-ce que le pasteur doit vivre l'évangile dans sa famille de manière à ce que les enfants puissent voir que oui, papa est effectivement pasteur. Il n'est pas seulement pasteur le dimanche quand il monte là-bas sur la chaire. Il est l'homme le plus gentil, il est l'homme le plus bon, l'homme le plus intelligent. Mais plutôt, papa est pasteur tous les jours, pas seulement le dimanche. Même si le pasteur trouve du temps pour rester chez lui, il faut encore qu'il apprenne à changer son comportement. Cela est très important parce que la plupart d'enfants se fatiguent de la présence même de leurs parents. Parce que quand papa est là, c'est toute une journée de blâme, il n'est pas là pour encourager, mais il est toujours là pour décourager, pour blâmer, pour surveiller les gens. Et finalement, la présence de papa devient un gêne. Mais comment faire pour que la présence du père dans la famille soit un temps de bénédiction en vérité? Il faut donc que le pasteur qui veut rester à la maison apprenne d'abord à être père, c'est-à-dire apprenne à écouter, apprenne à encourager, apprenne à faire attention. Bien sûr, quand il est à la maison, il est aussi l'autorité, c'est-à-dire il ne doit pas laisser les enfants faire n'importe quoi. C'est là où nous avions parlé de l'importance de discipliner les enfants en leur donnant des conseils, en leur parlant, mais aussi et surtout quand ils sont des jeunes enfants, quand ils commettent des bêtises et qu'ils sont vraiment indisciplinés, il faut les punir physiquement. Mais là, nous avions aussi dit qu'attention, il ne faut pas détruire ou bien faire du mal à l'enfant. Il faut plutôt punir physiquement d'une manière modérée, se discipliner soi-même, pour que la punition physique ne soit pas un temps où on cherche à faire du mal, plutôt à provoquer des circonstances qui seront malheureuses pour la vie de l'enfant. Il ne faut pas que la punition physique soit excessive. La punition physique doit être normale, doit être mesurée. Quand on punit un jeune enfant, on ne se bat pas avec lui. Donc la punition physique doit être seulement quand on va l'utiliser seulement quand l'enfant refuse vraiment à écouter. C'est la dernière forme de punition. Mais nous avons aussi dit qu'il faut que, au lieu que le parent ou bien le père pasteur qui est à la maison ne passe que son temps à punir, il faut aussi qu'il démontre l'amour du Christ dont il parle tout le temps. Il faut que les enfants voient dans le père, le représentant de Jésus. Le papa doit être là, en train de parler avec ses enfants, d'encourager ses enfants. C'est très important que le pasteur ait le sens de l'humour. Les enfants, on les aide pas toujours en état là sérieux, comme un, je sais pas quelle sorte de personne nous considérons comme les plus sérieuses. Mais en tout cas, le pasteur, le père, et à la maison, il faut qu'il soit là. Bon, chacun de nous a sa nature. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment portés vers l'humour. Mais en tout cas, il faut que le père soit là, qu'il crée un environnement favorable, là où les enfants sentent que oui, papa est là. Bien sûr, ça ne signifie pas que les enfants ne doivent pas craindre le père. Mais en tout cas, même quand ils le craignent, ils savent que papa est là pour nous faire du bien. Il faut que le père soit là, qu'il caresse ses enfants, qu'il les porte. Quand ils veulent dormir, qu'il les aide à dormir et puis qu'il les mette au lit. Les enfants aiment de telles choses, de telles petites choses. Ce sont des choses qui sont sans prix pour les enfants. Et quand monsieur le pasteur finalement reste à la maison et parvient à donner cet amour, cette attention à ses enfants, vous allez voir que les enfants vont commencer à se développer normalement. Ils ne vont même plus avoir honte d'être enfants de pasteur. Mais ils seront fiers parce que papa est toujours là, papa est à la maison, papa nous supporte, papa nous aime. Quand même quand il nous punit, il le fait avec amour. Il faut créer un environnement favorable pour le développement de l'enfant. Mais attention, quand le pasteur arrange, donc comme je l'ai dit, sa vie familiale, cela ne signifie pas que le problème termine là. Il faut aussi que l'Église, la paroisse aussi, change d'attitude vis-à-vis de la famille du pasteur. Parce que le pasteur lui-même peut arranger, peut être là, peut soutenir, peut être là pour sa famille, peut encourager sa famille. Mais les membres de l'Église, la paroisse devient aussi un problème. Nous avions donc mentionné précédemment que pour que l'équilibre revienne dans la vie familiale du pasteur, il faut que l'Église aussi s'implique positivement. Il faut qu'elle accepte, l'Église, la paroisse, le fait que malgré la profondeur de la vocation du pasteur, la famille du pasteur, à savoir sa femme et ses enfants, ne sont pas pasteurs et ne doivent pas être vus comme l'Église voit le pasteur. C'est très important. Dieu n'a pas appelé la femme du pasteur ou ses enfants à la vocation pastorale. La vocation pastorale n'est pas une vocation héréditaire. Elle n'est pas familiale. Dieu appelle des individus. C'est comme la conversion. C'est pas parce que ton père est chrétien que toi qui est son enfant, tu es d'office chrétien. Non, c'est personnel. Il est important pour que les membres de l'Église sachent que le pasteur est le seul pasteur de la famille. Sa femme, même quand on l'appelle maman pasteur, elle n'est pas pasteur. À moins qu'elle n'ait suivi de formation pastorale, à moins qu'elle n'ait été elle-même aussi appelée par le Seigneur. Le Seigneur n'appelle pas de couple. Bon, il peut le faire, mais en tout cas, la femme du pasteur n'est pas pasteur. Les enfants du pasteur ne sont pas pasteurs. Donc, il ne faut pas que les membres de l'Église pensent que, bon, en tout cas, parce que leur père est pasteur, eux aussi, d'office, doivent être comme lui. Non, ça, ce n'est pas vrai. Le ministère pastoral, ou encore, je voulais dire, la femme et les enfants du pasteur sont des laïcs comme le reste des paroissiens. Le ministère pastoral dans le Nouveau Testament n'est pas héréditaire. Dieu est celui qui appelle individuellement et le fait d'être de la famille du pasteur ne fait pas des enfants des chrétiens ou pasteurs de facto. La femme et les enfants du pasteur doivent donc être traités comme les autres paroissiens, excepté le respect dû à la position ecclésiastique de leur père, bien sûr. Il ne faut pas que la femme et les enfants du pasteur soient singularisés et considérés comme des saints sans excuse pour les fautes communes au reste des mortels. Ah, ça, c'est très important. Parce que c'est ça, dans certaines paroisses, on tolère, on accepte les fautes des enfants des diacres et des enfants des autres membres de l'Église, mais on ne veut jamais accepter les fautes des enfants des pasteurs, parce que leur père est pasteur, donc ils doivent mieux connaître. Mais ces enfants sont des enfants comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir à utiliser deux poids, deux mesures? La femme du pasteur est une femme comme les autres femmes du monde. Bon, nous ne sommes pas en train de dire que l'Église doit fermer les yeux sur les fautes et les manquements de la femme et des enfants du pasteur. S'il y a effectivement manquements et fautes graves qui remettent en cause la bonne marche de la communauté chrétienne, sans exagération, l'Église traitera la femme ou les enfants du pasteur comme elle traite les autres membres de l'Église. Il ne faut pas que l'Église utilise d'autres standards pour la femme du pasteur et ses enfants. Si la femme du pasteur ou les enfants du pasteur commettent les fautes, les mêmes fautes que les autres membres de l'Église, ils doivent être traités comme les autres membres de l'Église. C'est-à-dire, s'il faut les mettre sous discipline, il faut les mettre sous discipline. Si c'est pendant un mois, c'est pendant un mois. Ce n'est pas parce qu'ils sont ou elle est la femme du pasteur, il faut mettre, quand tout le monde est cope d'un mois, lui, il faut qu'elle ait, elle ou bien lui, il faut qu'ils aient 6 mois. Non? Je répète et j'insiste. La femme du pasteur n'est pas pasteur. Les enfants du pasteur ne sont pas pasteurs. C'est le pasteur lui-même qui est pasteur. Je ne dis pas que Dieu ne puisse pas appeler la femme du pasteur à devenir pasteur ou bien lui donner la vocation. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas appeler les enfants de pasteur à devenir pasteur. Il peut le faire. Mais quand ils seront pasteurs, ça sera à leur propre compte. Ce n'est pas parce qu'ils sont enfants de leur père. L'Église ne doit pas rendre la vie impossible à la famille du pasteur. Tout le monde se plaint de la famille du pasteur. Oh, ses enfants sont toujours désorganisés, ils sont mal éduqués. Mais c'est parce que l'Église aussi contribue à rendre la vie familiale du pasteur impossible. Hein, les femmes de l'Église sont là toujours en train de critiquer la femme du pasteur. Et tout le monde parle d'elle, ce qu'elle porte. Vous avez vu, elle a même maigri, elle ne mange pas bien. Vous avez vu, ce qu'elle porte comme panne, mais ce n'est pas bien. Et regardez cette femme, elle n'est même pas jolie. Mais qu'est-ce que vous voulez? Elle n'est pas votre femme, elle est la femme du pasteur. Le pasteur l'a trouvée jolie et cela suffit. Quel est votre problème? Les femmes de l'Église doivent apprendre à être gentilles, à être bonnes vis-à-vis de la femme du pasteur. Quand la femme du pasteur voit qu'elle est aimée par les membres de l'Église, elle aussi, elle démontre de la joie. Bon, cela ne signifie pas que toutes les femmes des pasteurs sont bonnes. Il y a aussi des femmes impossibles. Ça, celles-là, il faut que leur mari prenne le temps de les convertir d'abord. Mais en tout cas, quand le pasteur travaille à équilibrer sa maison, il ne faut pas que l'Église devienne facteur de déstabilisation. L'Église doit aussi faciliter la tâche de la famille du pasteur. Et la bonne façon, c'est de ne pas considérer la femme et les enfants du pasteur comme des saints qui n'ont pas droit au péché, qui n'ont pas droit aux erreurs que les autres commettent et qu'on accepte. Non, il faut que l'Église et une attitude positive vis-à-vis de la famille du pasteur. Ce ne sont que des hommes et des femmes comme nous. Il ne faut pas que leurs fautes soient exagérées, agrandies devant tout le monde. Ah, mais vous voyez, leur père est même pasteur. Mais regardez ce qu'ils font. Mais ils sont pécheurs comme vous, ces enfants. Ils sont enfants comme vos enfants. Ils ont aussi leurs faiblesses. Bien sûr, je n'encourage pas les faiblesses, je ne peux assez le dire. Mais il ne faut pas rendre la vie des membres de la famille du pasteur impossible. D'ailleurs, dans notre contexte, être femme ou enfant de pasteur, c'est déjà un sacrifice. Hein? Mais il ne faut pas compliquer encore la tâche. L'Église doit participer à la stabilisation de la famille du pasteur. Oui, il faut être là pour soutenir la famille du pasteur. Quand on est une bénédiction à la famille du pasteur, alors on est aussi une bénédiction à soi-même. Ça, c'est très important parce que le pasteur est le serviteur de Dieu. C'est lui qui bénit la famille du pasteur, attire la bénédiction sur lui-même. Alors, cela ne signifie pas que désormais, les enfants du pasteur vont dire « Voilà, merci pasteur parce que tu nous as vraiment aidés. Comme ça, nous allons faire tout ce que nous voulons. » Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Le pasteur doit éduquer ses enfants et le pasteur doit éduquer sa femme pour que leur témoignage puisse aider aussi les membres de l'Église. Que le Seigneur nous aide à être facteurs de bénédiction pour nos pasteurs. Amen. Vous venez de suivre Dr.